La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Imaginez un monde sans fleurs, totalement impensable évidemment, et pourtant les plantes à fleurs n'ont pas toujours existé. Elles sont même assez jeunes au regard de l'âge de notre planète, puisqu'elles seraient apparues il y a au moins 150 millions d'années. On ne saura jamais quel est l'animal qui a assisté le premier à la naissance d'une fleur, mais cet événement a été majeur dans l'histoire du vivant. Comment la nature justement est-elle entrée dans l'âge des fleurs? Comment les fleurs sont-elles devenues les grandes représentantes des espèces végétales? Et que cherchent à comprendre les scientifiques qui les étudient? Eh bien François Percy, qui est directeur de recherche au CNRS, publie chez Humaine Science l'histoire secrète des fleurs, un livre qui nous raconte les mœurs de ces créatures sophistiquées, manipulatrices et sexuellement débridées. Et j'attendais maintenant bien sûr vos messages et toutes vos questions pour en parler sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Un gros galet de silex gravé il y a 12 000 ans fait la une de la science aujourd'hui. Oui, dessus on peut y voir un cheval aux traits précis et quatre autres herbivores. Il a été découvert à deux pas de la gare à Angoulême et vient bousculer l'histoire de l'art pariétal. On en discute avec son découvreur dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 avec un documentaire ce soir sur les heures sombres de l'Égypte antique. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour François Percy. Bonjour Mathieu Vidard. Bienvenue. Qui a pu voir naître la première fleur dans l'histoire de la Terre? On aimerait bien le savoir. Hein. On aimerait bien. Et on ne le saura jamais. Pas encore en tout cas. Malheureusement. Et personne n'est vraiment d'accord aussi sur les dates de la toute première plante à fleurs. Bon, vous nous dites que probablement on est autour de 130-150 millions d'années. Mais certains fossiles justement semblent indiquer qu'on pourrait être encore plus loin hein, dans le passé. À la fois des fossiles qui viennent un peu bousculer cette datation et à la fois toutes les évaluations basées sur les séquences des génomes, sur les horloges moléculaires, celles-là prédisent qu'en fait la première fleur pourrait être apparue beaucoup plus tard. Oui, on va étudier évidemment tout le processus hein, de l'émergence de ces plantes à fleurs qui ont bien rattrapé leur retard parce que finalement elles ont colonisé tout le monde végétal hein, depuis. Ah, tout à fait. En nombre d'espèces, elles dominent très largement. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est elles qui nous nourrissent et qui nourrissent la plupart des herbivores. Donc elles ont une importance colossale, d'où tous ces chercheurs qui essaient de comprendre à la fois leur fonctionnement et leur origine. Ça devait être triste, un monde sans fleurs, quand même. Non, parce que vous le dites, hein, c'est une dominante de vert, finalement, et puis de gris sombre, la couleur des troncs d'arbres. C'était ça, la c'est vrai, quand on pense aux plantes aujourd'hui, on pense aux fleurs en premier. Hein, on pense à ce qu'elles représentent, à toutes ces formes, ces couleurs et ces parfums. Donc aujourd'hui, elles sont vraiment, elles représentent les plantes. Ouais. Qu'est-ce que vous étudiez, vous, sur les fleurs exactement? Nous, on étudie à la fois leur formation, quelles sont les molécules à l'œuvre pour créer les fleurs dans les plantes d'aujourd'hui. Donc on ne le sait toujours pas très très bien, ça? On a compris beaucoup de choses, mais... À chaque nouvelle réponse, il y a des questions qui apparaissent, qu'on essaie de résoudre. Et puis à chaque fois qu'on comprend quelque chose chez les fleurs d'aujourd'hui, on essaie de comprendre quel rôle ça a pu jouer dans l'origine des plantes à fleurs. Alors c'est aussi un hommage à tous vos confrères. Hein. Oui. Il y a de très très beaux portraits d'ailleurs dessinés. Et c'était important dessiné par mon fils. Bravo. Et c'était important pour vous justement de leur rendre hommage, puisque vous évoquez évidemment leur travail et leur contribution. Oui, j'espère que ça se ressent dans le livre. En fait, je parle de fleurs, mais je parle aussi des chercheurs, des chercheuses qui ont fait toutes ces découvertes. Et j'ai voulu rendre hommage à toute cette chair humaine dans la science des fleurs. Allez, l'histoire secrète des fleurs dans cette collection d'Humaine Science dirigée par Étienne Klein. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, François Percy. Et on se rejoint dans un instant. Et en plus, vous répondrez aux questions des auditeurs. Donc, on nous rejoint sur franceinter.fr. Merci beaucoup. À tout de suite. Axel, un peu d'histoire de l'art pariétal aujourd'hui à la une de la science avec un très joli galet gravé découvert au centre-ville d'Angoulême. Eh oui Mathieu, c'est une plaquette rectangulaire d'une vingtaine de centimètres de large et on ne voit pas forcément au premier regard les traces de gravure dessus, mais quand on observe un peu plus attentivement, on découvre un cheval quasiment complet, aux traits réalistes et quatre autres animaux. Ce caillou a 12 000 ans et celui qui a eu l'idée de regarder un peu plus attentivement est avec nous aujourd'hui pour raconter la découverte. Bonjour Miguel Biard. Bonjour. Vous êtes préhistorien et spécialiste des pierres taillées et vous êtes responsable des fouilles pour l'INRAP sur ce chantier préventif au centre-ville d'Angoulême. Alors, ce site urbain. Vous le fouillez depuis 7 mois. En novembre dernier, il avait déjà fourni énormément de vestiges. Et 3 jours avant la fermeture, vous trouvez ce galet. C'était la cerise sur le gâteau. Alors, c'est un peu comme ça. C'est ça, tout à fait. Comme habituellement, hein, sur la majorité des sites préhistoriques, les grandes découvertes interviennent en fin de fouille, au moment où on est en panique et où on doit se dépêcher. Et c'est le cas pour le site d'Angoulême, hein, on ne dérange pas. 3 jours avant la fin, on doit terminer les relevés des coupes stratigraphiques, on doit aussi récupérer les derniers silex qui se trouvent dans les mètres carrés, et on fait quelques vérifications, donc on traverse les couches laboriennes, une occupation qui était sur l'Asilien, jusqu'au moment où, sur le niveau asilien, on découvre, associé à du matériel de lithique, donc du silex, cette plaque de silex qui est un grès, en fin de compte, un grès siliceux. Mais on voit vraiment très difficilement les gravures, et surtout quand il sort de la terre. Comment on se dit, tiens, ce caillou-là, je crois qu'il y a quelque chose dessus? C'est pire que ça, on voit rien du tout. Ouais. Dans le cadre de la découverte, on aurait de toute façon récupéré cette roche parce qu'elle participe aux connaissances sur les ressources lithologiques, sur les silex que les préhistoriques ont utilisés. Sauf que là, en effet, elle avait une forme un peu particulière. Et surtout, l'indice qui nous a permis de la récupérer, c'était deux petits enlèvements. Les enlèvements, c'est deux coups de percuteur qui a permis aux préhistoriques de tester pour avoir une idée sur la qualité de ce silex. Il est possible que cette plaquette ait pu terminer en pointe de flèche ou en grattoir. Ouais. Et donc, ce sont ces éléments qui nous ont permis de la sélectionner, de la conditionner. Mais c'est pas à ce moment-là où on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dessus. Oui. Et il aurait pu finir dans le sac et vous seriez en train de l'analyser là dans quelques mois. Mais vous avez eu l'idée de regarder tout de suite. Et là, vous trouvez un cheval et 4 autres animaux dessus, datés pour l'instant à moins 12 000 ans. Et c'est ça la surprise en fait. Expliquez-nous pourquoi moins 12 000 ans pour un cheval très bien dessiné, c'est une surprise. Alors c'est une surprise parce que nous sommes dans une période de transition climatique. On passe de l'ère glaciaire à un climat tempéré. Donc on peut imaginer, d'ailleurs on n'imagine pas, c'est sûr qu'à cette époque-là, imaginez le comportement de l'homme, tout se transforme, la faune, la flore, le comportement humain, les modèles d'occupation, la façon de chasser, peut-être les endroits où on va aller occuper. Le comportement technique, c'est-à-dire que pendant cette période-là assez courte, on va pas tailler le silex de la même façon. Et donc, on avait comme information provenant des anciennes fouilles ou des fouilles qui ont été réalisées à l'INRAP, donc des grandes fouilles préventives, on avait quelques informations sur cet art qui était, ils l'appellent, abstrait. Ouais. Voilà. Et là, à Angoulême, pour la première fois, on avait une représentation artistique extrêmement figurative. Alors les 12 000 ans pour le moment, comment vous les obtenez et est-ce qu'ils sont susceptibles de changer? Alors pour l'instant on dit 12 000 ans, pourquoi? Parce que vous savez la préhistoire c'est la période la plus longue et ce qui nous permet de replacer une industrie lithique, donc des silex, dans le cadre d'un diagnostic ou d'une fouille, ça va être la forme du silex, ça va être la façon dont on le fabrique. Pendant ces différentes périodes, les préhistoriques n'ont pas fait la même chose, n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, après l'étude de cette forme, des méthodes de taille, des objectifs, on va pouvoir leur placer dans la chronologie de manière un peu large. Les Asiliens, donc datés de moins 12 000 ans, cette datation provient de sites fiables, ont des caractères bien spécifiques qui nous permettent de le placer, on va dire, à 500 ans près, quoi. Oui. Donc on est après Lascaux, hein, puisque on est bien après, quelques milliers d'années après. Alors ce support, ce silex-là, c'est quoi? C'est pour faire de l'art ou il a une utilité aussi technique? Alors on a ces deux enlèvements dont je faisais allusion tout à l'heure. Ces groupes asiliens ont l'habitude de tailler n'importe quel type de matériau. Donc on peut penser éventuellement que cette roche a été testée pour être transformée. En revanche, elle a quand même un aspect différent, un état de surface, un état physique, je vais dire élégant, mais c'est peut-être pas le bon terme. En revanche, on dirait une ardoise ou une feuille. Mmh. Évidemment, on a envie d'y laisser un graffiti ou une gravure. Alors, quelles sont les autres traces d'occupation que vous avez trouvées sur le site et qui correspondent à l'Asilien, pardon? Parce que vous avez trouvé énormément de choses en 7 mois sur ce site. Alors exactement, je reviens sur cette période de transition. À Angoulême, on la connaît, elle a été fouillée. On a d'autres des informations précises sur ce changement climatique. En revanche, à Angoulême, on a la succession des occupations préhistoriques qui va donc de l'Asilien, moins 12 000 ans, jusqu'au Mésolithique. C'est un livre de la préhistoire, cette stratigraphie du site d'Angoulême. Et grâce à cette découverte, tous les éléments, toutes les recherches associées à la fois au matériel lithique, au silex, à l'art. On va avoir aussi les études sur la palynologie, l'étude des mollusques, l'étude des graines. Mmh. On va pouvoir avoir des informations bien plus précises sur la vie quotidienne de ces gens-là. Est-ce que ça nous permet de commencer à imaginer comment était exploité ce site? Parce que vous avez trouvé énormément de silex, en tout c'est 200 000 je crois. C'était quoi, un atelier de taille, une réserve de chasse? Enfin, comment on peut imaginer que l'endroit était utilisé par l'homme? Alors, Angoulême, c'est déjà une région sympathique, mais ça c'est personnel. On a le plateau d'Angoulême, calcaire extrêmement riche en silex. Ensuite, on a la plaine alluviale, assez large. Et en bas, on a la Charente. Donc on peut imaginer, déjà... Imaginez, ce sont les lieux privilégiés par ces chasseurs-cueilleurs, que toutes les ressources naturelles sont concentrées à un endroit. Le fait qu'il y ait énormément de matières premières, de qualité, les préhistoriques ont pu réaliser leur outillage de chasse et aussi tout l'outillage domestique. On peut imaginer des troupeaux qui traversent en effet la Charente et les préhistoriques ont profité de cette zone giboyeuse. La rivière, les ressources naturelles, c'est un lieu propice pour l'occupation des chasseurs-cueilleurs. Axel parlait de quatre autres animaux en plus des chevaux, donc il y a des aurochs, hein, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors sur la face A, il y a quatre animaux. Il y a deux chevaux, un auroch et un cervidé aux pattes très graciles. Et sur la face B, il y a on pense à un cervidé, mais on attend que l'étude soit encore un peu plus poussée, parce qu'il est difficile à lire, à vrai dire. Est-ce que parmi tout le matériel ramassé sur place, vous avez espoir de trouver d'autres gravures, peut-être dans les sacs que vous n'avez pas testés, nettoyés, regardés? Alors, éventuellement, on sait, pour ces périodes-là, que les préhistoriques vont parfois graver la croûte du silex. On n'est pas à l'abri de découvrir d'autres gravures, j'espère, du même style, dans le reste de l'étude, bien sûr. Miguel Billard, vous êtes un très bon tailleur de pierre, à la façon des hommes préhistoriques, paraît-il. Hein, vous êtes même un des meilleurs au monde. Oui, j'ai vu ça. Soyez pas modeste, vous êtes au courant. J'ai vu ça aussi. Non, en effet, c'est une activité dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre les méthodes et les techniques de taille. Ouais. Mais c'est juste un outil qui permet une meilleure compréhension de... Sauf que nous, on nous met face à deux cailloux, on vous fait pas un silex tout de suite. Hein. Oui, moi, mais face à un micro, j'ai un peu de mal. Quoi. Merci en tout cas beaucoup pour ces explications et cette découverte dont la révélation a été diffusée hier. Merci de m'avoir invité. Axel, merci beaucoup, à demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, de la musique pour les prématurés, une expérience de musicothérapie menée à Genève dont le service de néonatologie obtient de très bons résultats. Trois morceaux de 8 minutes écrits spécialement par un compositeur ont été utilisés donc pour rythmer la journée des bébés prématurés. Une ambiance au réveil, une pour l'endormissement et une autre pour accompagner les interactions avec les adultes. Et bien au terme de l'expérience de quelques mois, les bébés testés par IRM montraient un développement du cerveau similaire à celui des enfants nés à terme. Les éponges, ces caméras sous-marines biologiques, une drôle d'étude parue justement dans Current Biology nous apprend que les éponges sous-marines absorbent et gardent la trace de tout ce qui flotte, nage ou rampe autour d'elles. Elles peuvent filtrer jusqu'à 10 000 litres d'eau en une journée, retenir de minuscules particules issues de ce filtrat. En analysant l'ADN contenu dans les éponges, les chercheurs sont parvenus à deviner une grande partie de l'écosystème qui les entoure et les espèces qui y vivent. C'est une vraie nouveauté pour la recherche marine. Et puis, insensibles aux agressions, les rats taupes nus ont hérité d'une longue évolution de la douleur chez les rongeurs. La famille des rats taupes nus sans poils est presque aveugle, capable de cohabiter avec des fourmis venimeuses ou autres insectes piqueurs redoutables pour une raison toute simple. Eh bien, ils ne ressentent pas la douleur associée à leurs attaques. Une équipe dans la revue Science démontre que ces traits génétiques sont récents dans l'évolution des rongeurs et parfaitement spécialisés. Ils imaginent se servir d'ailleurs de ces mécanismes associés pour faire de nouveaux analgésiques. L'origine des plantes à fleurs, dossier de la tête au carré dans un instant. Je sais, I love you. I love you. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Casino, c'est qu'un tas de pierres. Ta vie, tu peux pas la refaire. Branche un peu tes écouteurs par ici. La mer est déjà reparti. Le vieux casino démoli, c'est fini. Pépère, t'aurais pas comme une vieille nostalgie de Gilly Gilly, Bugatti, de oh la la la, des soirées de gala, Riviera. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking de travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Tu cherches des morceaux d'hier, pépère, dans des gravats d'avant-guerre. Le casino c'est qu'un tas de pierres, ta vie tu peux pas la refaire. Fermez les yeux des grandes fibres marines, tout à languie pour nuit de Chine, sur les banquettes de Moleskine, des limousines. Écoutez l'histoire entre Trouville et Dinard, d'un long baiser fini, c'est trop tard. Les mains sur le satin, caresse du matin au chagrin. Y'a de la rumba dans l'air, le smoking travers. Je te suis pas dans cette galère, ta vie tu peux pas la refaire. Et c'était Philippe Catherine avec sa version de Y'a de la rumba dans l'air. La tête au carré, Mathieu Vidard. Bon alors, récapitulons. Nous avons vu apparaître les tiges, les feuilles et les graines. La dernière grande invention du monde végétal, ce sont les fleurs. Elles voient le jour il n'y a pas très longtemps, environ 120 millions d'années. Alors certaines sont très connues, comme les marguerites. D'autres sont très impressionnantes, comme les grandes berces. Et d'autres encore sont magnifiques. Voilà une petite odyssée des plantes offerte par C'est pas sorcier, François Parcy, justement, pour discuter avec vous de cet ouvrage que vous signez, L'histoire secrète des fleurs, c'est chez Humaine Science. Alors vous êtes directeur de recherche CNRS dans ce laboratoire de physiologie cellulaire et végétale à Grenoble. Et donc vous venez nous parler de toute cette histoire des fleurs qui commence, on l'a dit, à peu près 130, 150 millions d'années. Et il y a beaucoup de questions déjà pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. Rappelez-nous un petit peu ce que vous cherchez à comprendre, parce que c'est un vrai travail d'équipe à l'échelle mondiale. Ces fleurs qui nous semblent tellement maintenant évidentes et faire partie de notre environnement et du vivant, on n'en connaît pas tous les mécanismes encore totalement, et donc ça fait travailler des chercheurs dans le monde entier. Tout à fait. Effectivement, on essaie de comprendre à la fois comment les plantes fleurissent, qu'est-ce qui déclenche cette floraison, puisqu'on sait que les plantes, elles ont une première étape où elles font essentiellement des fleurs, et des feuilles et des tiges. Mmh. Et puis un beau jour, elles se mettent à fleurir. On essaie de comprendre le déclenchement. Et puis après, une fois que ce déclenchement s'est produit, on essaie de comprendre comment se forme une fleur, comment à partir d'une petite boule de cellules qui n'ont rien de spécial, des cellules souches, comment on arrive au bout de quelques jours, quelques semaines, à avoir ces structures extrêmement complexes, colorées, et qui vont être la base de la reproduction des plantes, avec les étamines et les graines pollen, et le pistil et les ovules. Est-ce que ce mécanisme-là que vous décrivez brièvement, il est le même pour toutes les plantes à fleurs, où il y a des exceptions ou des singularités selon les espèces? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que toutes les plantes à fleurs d'aujourd'hui sont nées d'un seul événement. Il y a une seule origine qui est une origine commune. Mmh. Et donc, il y a des tas de choses en commun dans les mécanismes. Mais bien sûr, les plantes à fleurs se sont diversifiées. Elles n'ont pas toutes les mêmes fleurs. Donc, il y a énormément de spécificités et de particularités qui sont propres à certaines espèces. Alors, vous avez un confrère d'ailleurs qui s'est amusé à imaginer à quoi ressemblait la toute première fleur. Parce qu'on le disait tout à l'heure, on ne sait pas évidemment à quel moment exact elle est apparue. Mais en tout cas, on peut imaginer à quoi elle ressemblait. Tout à fait. Donc, je pense que vous faites référence au travail d'Hervé Sauquet, qui est un chercheur français qui aujourd'hui travaille en Australie. Mmh. En fait, il n'est pas le seul. Il y a pas mal de gens qui se sont amusés à essayer de trouver un peu le portrait de cette première fleur. Alors, à quoi elle ressemble? À quoi elle pourrait ressembler? Alors, pour être précis, il faut d'abord faire une petite précision. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu, en résumé, la première fleur. En fait, c'est l'ancêtre commun de toutes les fleurs d'aujourd'hui. C'est pas forcément la première fleur qui a existé sur Terre. Parce qu'il est possible qu'il y ait eu un long chemin pendant lequel ça s'est pas tellement diversifié, ça a pas donné de branches. C'est un peu comme si c'était le tronc d'un arbre en fait. Et donc on cherche vraiment le sommet du tronc. Et alors cette première fleur, il y a plein d'hypothèses. Est-ce qu'elle a des organes qui sont disposés en couronne ou est-ce qu'ils sont disposés en spirale? Est-ce qu'elle a déjà des sépales et des pétales par exemple? Ou est-ce que comme les tulipes, elle a ce qu'on appelle des tépales qui sont des organes très similaires? Est-ce qu'elle va avoir déjà la bisexualité? Est-ce qu'elle va avoir sur la même structure les organes mâle, les étamines, les organes femelles, ou est-ce qu'au contraire, ça va être une fleur où il va y avoir des fleurs mâles séparées des fleurs femelles? Tout ça, c'est des questions qui se posent et l'étude d'Hervé Sauquet a proposé des réponses. Est-ce qu'il a proposé une couleur à cette première fleur ou pas? Alors ça, il ne peut pas du tout le faire. Ouais. C'est très difficile de prévoir la couleur. Et juste pour l'anecdote, en fait, une fois qu'il a trouvé le diagramme floral, c'est-à-dire juste une schématisation, il a voulu un peu communiquer dessus. Donc, il a fait dessiner une fleur, il a mis des gros pétales blancs à l'image un peu des magnolias. Et il a été très attaqué là-dessus, alors qu'au fond, c'était vraiment une image d'artiste. Absolument. Alors justement, Chantal, sur franceinter.fr, demande comment la couleur des plantes s'impose en général aujourd'hui et dans quel but alors? Alors, il y a quelques règles de base. On sait que les couleurs, que ce soit des couleurs qui sont fabriquées avec des pigments ou alors avec des couleurs structurelles comme des petites rainures, par exemple, sur les pétales qui vont donner des couleurs, un peu comme la surface d'un CD. En fait, ces couleurs-là, elles ont un rôle très important dans l'interaction avec les insectes. Donc, une plante qui va être pollinisée de jour par des insectes, eh bien, elle va avoir tendance à avoir des organes très visibles avec des jolies couleurs. Une plante qui va, au contraire, être pollinisée de nuit, elle va plus miser sur les parfums, par exemple, parce que la couleur est beaucoup moins importante. Et là aussi, chaque fleur se distingue, évidemment, selon son espèce. Alors, François Parcy, les fleurs, on le disait, n'ont pas toujours existé, évidemment. Quel a été rapidement le cheminement avant qu'elles n'apparaissent, précisément? Tout ça, ça vient de l'eau? Ça vient de l'eau. Le milieu aquatique. Tout à fait. Comme c'est la même chose pour les animaux. Les premières plantes, c'était pas vraiment des plantes, mais ce sont des algues. Elles vivaient à la fois dans l'eau de mer et dans l'eau douce. Et donc, on estime qu'il y a à peu près 450 millions d'années, il y a des premières plantes qui sont sorties de l'eau, sans doute de l'eau douce, et qui ont donné des mousses. Donc, les mousses, elles ont colonisé la surface de la Terre, elles ont bénéficié du soleil, pas trop de compétition, mais elles restaient à la surface du sol. Elles n'avaient pas de vaisseaux pour faire monter l'eau dans les hauteurs. Et les premières à avoir inventé ces vaisseaux, ce sont la grande famille des fougères. Et elles ont réussi à... Donc c'est les plus anciennes dans cette histoire des fleurs? Les plus anciennes, c'est les mousses. Ensuite viennent les fougères vers 400 millions d'années à peu près. Et vers environ 300 millions d'années, on a la grande famille qu'on appelle les gymnospermes, dont les représentants les plus connus aujourd'hui sont les conifères. Et elles, ce qu'elles ont inventé de formidable, c'est la graine. Donc c'est une façon d'arrêter le cycle de vie, d'attendre des conditions meilleures et ensuite de germer. Alors, et puis, voilà, allez-y. 150, 130 millions d'années, invention formidable, voilà. Une innovation, la fleur. Une reproduction qui n'est pas basée sur le vent, comme chez les conifères, ou basée sur l'eau, comme chez les fougères ou les mousses. Une reproduction basée sur une aide à d'autres animaux, en particulier les insectes. Alors c'est ça. Alors ça, c'est aussi une question de Noël. Vous parlez donc des fossiles de fleurs préhistoriques, mais c'est un peu l'œuf ou la poule, cette histoire. Les fleurs servent aux plantes, à une reproduction par les pollinisateurs. Mais qui est arrivé le premier? C'est vrai qu'avant d'avoir la réponse dans le livre, on se pose la question. Tout à fait. Et je sais que le débat continue, y compris du côté des insectes, puisque j'ai lu récemment un article qui disait qu'en fait, on avait repoussé un peu la date d'apparition des premiers insectes. On est à combien? 400 millions d'années? Pour les insectes, je croyais que c'était plus récent que ça, que c'était plus vers 200 millions d'années. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste. Vous voyez, au niveau des datations, personne n'est vraiment d'accord. Mais de toute façon, on peut très bien imaginer que les insectes... Mais c'est antérieur aux fleurs, alors, de toute façon. C'est sans doute antérieur aux fleurs, effectivement. C'est sans doute. Mais on peut bien imaginer que ces insectes, ils ont survécu pendant longtemps sans forcément se nourrir des fleurs. Alors justement, Gabriel nous pose une question au sujet des gymnospermes et angiospermes. Les fleurs, dit-il, ont opté pour enfermer l'ovule dans un organe clos, mais avec le risque de trop s'exposer. Alors, un petit mot d'explication déjà sur gymnospermes et angiospermes? Alors, les gymnospermes, c'est une grande famille qui comprend en particulier les conifères, mais aussi le ginkgo biloba ou Welwitschia mirabilis, quelques autres espèces. Leur grande caractéristique, c'est qu'effectivement, leurs ovules sont nus. En fait, gymnosperme, ça veut dire que l'ovule est nu. Et donc, elle est exposée au pollen des cônes mâles. Par ailleurs, il n'y a pas de pétales, il n'y a pas de sépales, il n'y a pas ces organes protecteurs. Et on a des cônes mâles et des cônes femelles séparés. On n'a pas encore la fleur hermaphrodite. Donc, la grande famille des angiospermes, donc les plantes à fleurs, elles, c'est ovules enfermées dans une boîte, angiospermes. Et là, on a des organes qui sont disposés en couronne, Et on a des sépales à l'extérieur, des pétales très connus, étamine, pistil, et l'ovule enfermé à l'intérieur d'une cloison dans le pistil. Ouais. Est-ce que c'est pas un risque, alors, pour reprendre la question de Gabriel, de trop s'exposer? Mais justement, c'est plutôt moins exposé. Quand l'ovule est à l'intérieur du pistil, c'est moins exposé. Mais par contre, il a fallu des mécanismes pour aller guider le pollen jusqu'aux ovules non encore pollinisés. Mmh. Et là, il y a des mécanismes absolument magnifiques basés sur du guidage par des molécules à longue distance, puis à courte distance, pour que le tube pollinique, quand il germe au sommet du pistil, il soit dirigé vers ces ovules qui n'ont pas encore été pollinisées. Mmh. Donc ça, c'est une innovation qui a dû accompagner le fait qu'on enferme les ovules au sein du pistil. Comment est-ce qu'on arrive à le voir, ça, ces molécules que vous décrivez, François Parcy? Avec quels outils on est capable vraiment de décrire ce mécanisme? Disons, dans les 30 dernières années, la technique reine pour aller découvrir ces mécanismes, c'est un peu ce que je raconte dans le livre aussi pour comprendre comment les plantes fleurissent ou comment les fleurs se forment, c'est la génétique. Mmh. On cherche des plantes mutantes, des variants, où le processus ne se produit pas normalement. Et donc, par exemple, on peut avoir des tubes polliniques qui n'arrivent pas à pousser, qui vont dans la mauvaise direction. Et comme ça, on a réussi à comprendre quelles sont les molécules émises par l'ovule et qui vont guider ce tube pollinique. Et quand on a bien compris, on peut sortir le tube du pistil, on peut le faire croître dans un milieu artificiel, et on met des petites gouttes d'un liquide avec la molécule, et on voit le tube pollinique changer de direction complètement et se diriger vers ce qu'il croit être un ovule. L'histoire secrète des fleurs, c'est cet après-midi dans La Tête au Carré. C'est passionnant et vous répondez au message des auditeurs qui nous rejoignent, François Parcy. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, serre-moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon torse fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Trop beau, c'était l'homme pâle à l'instant. La Tête au Carré. France Inter. La ruche a besoin de toutes les abeilles pour trouver du pollen. Priorité absolue. On a besoin de tout le monde. Et je réquisitionne cette souche d'arbre pour en faire notre base. Bon, vous avez entendu? Tout le monde part à la recherche de pollen. Nous reprendrons notre cours de danse plus tard, d'accord? Et la dégustation, on la fera quand alors? Oh Maya, il faut que tu viennes avec moi. On doit trouver du pollen. Toutes les abeilles sont réquisitionnées pour faire une très grosse récolte. Alors, et cette recherche de pollen? J'espère que vous avez de bonnes nouvelles pour nous. Malheureusement non, votre majesté. Il semblerait qu'il n'y ait plus de pollen dans toute la prairie. Oh. Maya a repéré une grosse réserve de pollen à 800 mètres d'ici en direction du soleil, votre majesté. Voilà, François Parsi, il fallait bien qu'on trouve quelque chose pour illustrer les fleurs, ce qui n'est pas chose aisée d'ailleurs, hein, finalement. L'histoire secrète des fleurs et Maya l'abeille à l'instant pour évoquer donc cet ouvrage qui sort chez Humaine Science. Encore un mot justement sur les pollinisateurs, parce qu'il y a des questions à ce sujet sur le site de l'émission. Il y a Patrick qui demande, hormis l'eau justement, quel est le transport de pollen le plus utilisé? Est-ce que c'est le vent ou les insectes? Dans la famille des plantes à fleurs, c'est essentiellement les insectes. Il y a des pollinisateurs qui ne sont pas des insectes, il y a des mammifères comme des souris, par exemple, ou les chauves-souris qui pollinisent. Il y a des exemples d'oiseaux, comme les colibris. Mm-hmm. Mais majoritairement, ce sont des insectes. Ouais. Après, dans la grande famille des conifères, évidemment, c'est le vent. Il y a très peu de pollinisation par insectes chez les gymnospermes. Ouais. Et alors, les insectes, ils sont très variés aussi, hein, parce qu'on connaît l'abeille, mais elle est loin d'être la seule. Hein. Il y a une variété incroyable. Hein. On estime à 100 000 espèces d'insectes pollinisateurs. Ah oui, effectivement. On parle souvent de l'abeille, mais c'est loin d'être la seule. C'est vrai, oui. Est-ce que tous ces insectes, d'ailleurs, connaissent des baisses de population aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous observez? D'après, moi je ne l'observe pas personnellement, mais d'après ce que j'entends, ce n'est pas seulement les abeilles qui sont affectées, mais l'ensemble des insectes. Et quand on étudie les fleurs comme vous, l'interaction, la relation entre l'insecte et la fleur, elle est essentielle aussi pour comprendre tous ces mécanismes, ou vous étudiez vraiment la fleur de façon isolée? Alors, la plante modèle qui est très étudiée en laboratoire et que j'étudie en particulier, enfin que mon équipe étudie à Grenoble, elle s'appelle Arabidopsis thaliana, c'est une petite arabette, c'est comme une petite moutarde, et elle saute pollinise, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument pas besoin des insectes. Et ça, quand on fait de la génétique, c'est extrêmement utile parce qu'on n'a pas besoin d'aller introduire des insectes dans les chambres de culture. Ouais. Les gens qui étudient, par exemple, Medicago, la luzerne, eh bien, ils ont besoin d'introduire des bourdons et ils ont des difficultés à contrôler la pollinisation. Donc vous avez contourné le problème. On a un peu contourné le problème. Alors pourquoi vous intéressez autant à cette fleur en particulier? Pourquoi est-ce que c'est un modèle pour vous? Arabidopsis, on l'appelle aussi la drosophile verte, c'est une sorte de levure chez les plantes. Hein. Donc pour la méthode génétique, elle a un cycle de vie très court, elle a un tout petit génome, elle donne un très grand nombre de graines et elle tient peu de place dans nos enceintes de culture. Donc elle offre vraiment beaucoup d'avantages. Et en 2000-2001, c'est la première plante dont le génome a été entièrement séquencé. C'est un tout petit génome, ça a facilité aussi le travail. Ouais. Et qu'est-ce que ça change de passer par la génétique justement quand on étudie une plante? La génétique, c'est vraiment la porte d'entrée sur les chromosomes, c'est-à-dire sur essayer de comprendre au sein des chromosomes quels sont les gènes qui vont être responsables, par exemple, de la formation des pétales ou par exemple du déclenchement de la floraison. Mmh. Donc c'est vraiment une porte d'entrée sur le fonctionnement. Avant, les gens, ils écrasaient les feuilles, ils isolaient des molécules. Et nous, au lieu de les isoler de cette façon-là, on fait un détour par des génomes qui vont être altérés et qui vont nous fournir la molécule responsable d'une action en particulier. Le nombre de gènes, alors, dans une fleur comme celle que vous étudiez, par exemple, c'est de combien? C'est relativement constant chez toutes les plantes, même si la taille des génomes varie d'une façon incroyable. Il y a entre les plus petits génomes et les plus grands génomes, il y a un facteur 1000, ce qui n'est pas du tout le cas chez les mammifères, par exemple. Mm-hmm. Mais le nombre de gènes, globalement, c'est environ 25-30 000 gènes maximum. Et ça ressemble beaucoup. Comme chez l'homme. Et comme chez l'homme. On a le même nombre de gènes. Exactement. Ouais. Alors, Jean nous dit ceci, la capacité à s'adapter, à se protéger, à vivre en symbiose avec d'autres espèces, est-ce que ça n'explique pas justement le succès des plantes à fleurs? Alors, il nous dit 250 000 espèces de plantes à fleurs, alors qu'il ne reste que 10 000 espèces de fougères, 600 espèces de conifères. Vous êtes à peu près d'accord avec les chiffres? On est à peu près d'accord. Vous parlez plutôt de 300-400 000 plantes à fleurs. Oui, on parle de 300-400 000 plantes en général, 90-95%. Sont des plantes à fleurs, selon l'ensemble des plantes terrestres. Alors le succès justement des plantes à fleurs, cette capacité incroyable à s'adapter, et puis aussi avoir pris le dessus sur le monde des plantes, hein, quand même, d'une façon très rapide, ça épatait Darwin lui-même. Darwin lui-même, effectivement, c'était un de ses motifs d'étonnement. Et en fait, effectivement, le fait que les plantes à fleurs soient aujourd'hui représentées par un très grand nombre d'espèces, ça, très certainement, ça a à voir avec l'interaction avec les insectes. Et ça, il y avait déjà un biologiste français qui s'appelait Gaston de Saporta, qui avait proposé en fait que cette interaction puisse avoir conduit à la naissance des espèces. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une pollinisation par un insecte spécialisé, ça va comme ça isoler un couple plante-insecte, et il va pouvoir diverger et créer une nouvelle espèce. Donc il est certain qu'à la fois pour le succès, puisque c'est une pollinisation très efficace, mais également pour ce qu'on appelle la spéciation, c'est la création de nouvelles espèces, l'interaction avec les insectes a très certainement joué un rôle majeur. Pourquoi Darwin appelait ça l'abominable mystère? Ah, l'abominable mystère. Ouais. Effectivement, il a écrit dans une lettre à son collègue Hooker, il a écrit que pour lui, le succès des plantes à fleurs était un abominable mystère. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Parce que c'était trop compliqué à comprendre. C'était pas trop compliqué, mais ça semblait ne pas se comporter comme les autres cas d'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, quand il compare le groupe frère des plantes à fleurs, qui sont les gymnospermes, et les angiospermes, il y a des caractéristiques très différentes, je les ai citées au début. Et lui, ce qu'il voyait dans les fossiles, c'est qu'à partir du moment où les plantes à fleurs apparaissent, on a l'impression qu'elles se sont diversifiées extrêmement vite, et que la plupart des grandes branches des angiospermes sont là en quelques dizaines de millions d'années. Et ça lui semble étonnant parce que c'est comme si l'évolution avait été accélérée. Ouais. Aujourd'hui, on pense peut-être qu'en fait l'origine des plantes à fleurs est antérieure et qu'elles ont eu le temps de se diversifier, sauf qu'on n'a pas gardé de traces chez les fossiles de cette diversification. Mais il y a pu avoir une sorte d'accélération quand même, ou de profusion tout d'un coup, parce qu'on sent ça quand même avec les fleurs, quoi. Tout à fait. Il y a quelque chose, il y a une espèce de besoin d'éclater partout. En tout cas, pour la création des espèces de façon accélérée, là, effectivement, on a l'impression que c'est allé très vite. Et comme je le disais, l'interaction avec des insectes, les couples plantes-insectes qui se sont formés, ont très certainement contribué à cette explosion de la diversité. On en découvre de nouvelles chaque année. On en découvre encore. Ouais, dans tous les milieux, à peu près. Ouais. C'est pas un champ thématique auquel je suis très familier, mais oui, on découvre encore des plantes à fleurs. Jean-Claude nous dit, s'il vous plaît, n'oubliez pas les graminées plantes à fleurs vertes, fécondées par le vent et si importantes pour la révolution néolithique et pour notre alimentation. Tout à fait. Les céréales en particulier n'ont pas des fleurs très spectaculaires. Personne ne s'ébahit devant un champ de maïs en fleurs ou un champ de blé en fleurs. Pourtant, ce sont des plantes à fleurs. Ouais. Elles ont des fleurs un peu différentes, mais elles fleurissent et elles sont pollinisées souvent par le vent. Ouais. Et l'importance, ça aussi, vous le rappelez, hein, dès le début du livre, de cette variété, de cette diversité, importance pour les hommes, pour les animaux, ce sont elles qui nous nourrissent quand même. Ce sont, sur Terre, ce sont elles qui captent l'énergie solaire, qui la transforment en énergie chimique qu'on va consommer. Et donc, elles nous nourrissent, nous, elles nourrissent la plupart des animaux qui vont brouter des herbacées. Ouais. Alors Philippe nous écrit lui aussi sur franceinter.fr, lorsqu'on effeuille la marguerite, dit-il, chaque pétale blanc serait, paraît-il, une fleur stérile. A-t-on une explication au niveau de l'évolution? Alors effectivement, la marguerite, comme le tournesol, comme la plupart des astéracées, quand on parle de fleurs, ce ne sont pas des fleurs, mais ce sont des capitules. C'est-à-dire c'est un plateau sur lequel sont posées des centaines de fleurs. Mmh. Une fleur de gerbera, par exemple, ça peut être 700 ou 800 fleurs posées sur le même plateau. Ah oui, et oui. En fait, les fleurs de l'extérieur ont un pétale plus grand. Ce qui fait que si on regarde ce plateau dans son ensemble, il ressemble à une grosse fleur, mais c'est des centaines de fleurs réunies. Et donc, alors aujourd'hui, encore une fois, grâce à la génétique chez des plantes comme le gerbera, je le citais pas par hasard, parce qu'il est très étudié en Finlande en particulier, eh bien, on sait qu'il y a des régulateurs qui sont au centre de la fleur, qui font les fleurs fertiles, et puis d'autres régulateurs qui sont à l'extérieur et qui vont faire pousser ce grand pétale. Et ça, c'est un exemple de convergence évolutive, c'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble à une grosse fleur, parce que c'est ça qui est efficace pour attirer les pollinisateurs, mais ça a été fabriqué en assemblant des tas de petites fleurs. Ce modèle de fleurs dont vous nous parliez tout à l'heure, qui est au cœur de vos travaux finalement dans ce laboratoire, elle suscite l'intérêt d'autres équipes comme vous et Arabidopsis thaliana aujourd'hui est étudiée par des milliers voire des dizaines de milliers d'équipes. Il y a eu un engouement à la fin des années 80 et alors qu'à une époque on étudiait, il y avait énormément de modèles. En fait, dès le moment où Arabidopsis a émergé, il y a eu vraiment une ruée vers cette plante là. Ouais, et on en connaît beaucoup de choses. On en connaît énormément de choses et en fait aujourd'hui on dans la recherche sur les végétaux, on a un mouvement inverse, c'est-à-dire que maintenant qu'on a établi beaucoup de choses, on se sert de ces connaissances là pour aller revisiter des plantes qui sont pas si faciles à étudier, mais en fait, grâce aux connaissances acquises, on peut démarrer à un certain niveau. Et ça se fait énormément aujourd'hui. C'est-à-dire on revient soit sur les plantes cultivées où il y a un intérêt agronomique, soit sur des plantes qui ont simplement des formes, des développements qui sont particuliers. On utilise la base de connaissances établie chez Arabidopsis pour aller les revisiter. visiter. Vous n'êtes pas lassé d'étudier toujours la même plante à fleurs, François Barcy ? Alors, elle a encore beaucoup de secrets et donc on l'étudie toujours avec grand plaisir, mais je dois dire qu'on n'étudie pas que cette plante-là. En particulier au laboratoire, on a des recherches qui ont porté il y a quelques années sur une plante assez particulière, Welwitschia mirabilis, une gymnosperme du désert. Et puis on étudie aussi par exemple les choux, essayer de comprendre les choux-fleurs, les romanesco. Donc on n'est pas vraiment totalement monomaniaque. Un peu de diversité aussi au sein du labo. Allez, vous restez avec nous François Parcy. Dernière partie dans un instant avec d'autres questions pour vous sur franceinter.fr. C'était Blic Bassi. La tête au carré. On est tombé d'accord sur un thème qui parle du pouvoir des fleurs dans les révolutions et les guerres. Pouvoir de résurgence, de renaissance. À quel point la fleur peut permettre de tenir, donner des lueurs d'espoir dans ces moments de chaos. Et qu'est-ce que ça procure comme émotion de se raccrocher justement à quel est le pouvoir de la fleur justement quand elle n'est pas là, quand on s'en souvient ou quand elle est toute frêle. On pense notamment aux tranchées où en fait dans les lettres des poilus on a retrouvé des pois de senteur ou d'autres petites fleurs séchées. Quelle émotion ça procure parce que c'est le seul signe de vie en fait dans un théâtre de chaos. Et puis au fur et à mesure on va avoir des lueurs d'espoir qui vont permettre de tenir et on va s'accrocher à cette vie. Voilà, évocation particulière là aussi des fleurs, le pouvoir des fleurs et la voix de Colombe Perrin, c'était à l'occasion du Festival International des Jardins en 2017. L'émotion provoquée par les fleurs, François Parcy, vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. Ouais. Elle n'était pas au départ destinée à émouvoir les hommes. Hein. Ouais. Elle était destinée à attirer les pollinisateurs, mais elle a aussi acquis d'autres fonctions. Ouais, donc c'est le rôle de la fleur très largement dans l'humanité, hein, précisément. Alors, plein d'autres questions pour vous sur franceinter.fr et puis évidemment celles qui ont un rapport avec cet ouvrage que vous publiez chez Humaine Science, l'histoire secrète des fleurs. D'abord, Patrice qui nous dit ceci, les fleurs hermaphrodites ne sont-elles jamais auto-fécondables ou existe-t-il quand même des exceptions? Il y a des exceptions. Je mentionnais celle qu'on étudie en laboratoire, Arabidopsis thaliana, qui s'auto-féconde quasiment à 100% et qui n'a pas déployé tellement d'énergie pour aller séduire le pollinisateur puisque la fécondation se fait avant même que la fleur ne s'ouvre. Les fleurs hermaphrodites, leur proportion, elle est importante hein? On estime à 10-15%, mais en fait, de fleurs qui s'auto-fécondent. Et en fait, il y a des cas où s'il n'y a pas eu fécondation par un pollinisateur, il y a une sorte de mécanisme de secours qui va permettre l'auto-pollinisation. Ouais. Alors François Parcy, il faut évidemment aborder ce que vous évoquez dès le début du livre, d'ailleurs les ruses sensationnelles des fleurs, parce qu'elles ont mis au point des stratégies tout à fait redoutables, efficaces. Vous parlez d'une sexualité débridée. Alors ça, c'est un champ très très large, évidemment, que vous nous faites découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a ça quand même derrière la fleur, hein. C'est sa capacité, son aptitude à attirer. Tout à fait. Alors attirer, ça veut dire être reconnu facilement et ça veut dire récompenser. Donc la récompense, bon, on a entendu Maya l'abeille et son pollen, mais à vrai dire c'est le nectar, c'est le jus sucré qui attire surtout les insectes, même si elles transportent le pollen. Et puis il faut être reconnu. Et donc reconnu, ça veut dire qu'on, et ça peut être par la forme, par la couleur, par le parfum, tout ça c'est une façon d'être reconnu. Et après il y a des exemples extrêmes, et là quand on parle de sexualité débridée, on est obligé de mentionner les orchidées, où certaines orchidées ont un pétale par exemple qui va mimer l'insecte, qui va ressembler par la couleur, par la texture. Il y a même des pétales qui possèdent une sorte d'appendice génital qui mime celui de l'insecte. Ouais. Et c'est complètement dingue, ça, quand même. C'est complètement dingue. D'un point de vue de l'évolution, c'est absolument incroyable. Parce que c'est-à-dire que la fleur... Mais enfin, comment ça se passe du point de vue de l'observation même de la fleur? Comment est-ce qu'elle peut imiter à ce point l'insecte? On arrive à l'expliquer, ça, ou pas? En fait, derrière ce phénomène-là, il n'y a pas d'intelligence et il n'y a pas d'imitation. Il y a l'évolution qui essaye dans toutes les directions. Il y a des tas de directions qui ne donnent rien et donc qui sont abandonnées. Et puis, parfois, il y a une direction qui va conférer un avantage sélectif et qui va être gardée. Ouais. Et ça prend du temps à l'échelle de l'évolution, justement, de trouver l'avantage sélectif. Les orchidées, apparemment, elles se sont diversifiées très très vite et elles ont aujourd'hui un très grand nombre d'espèces. Mais évidemment, c'est des choses qui se font en des millions d'années, hein, plutôt que des dizaines d'années, bien sûr. Donc on peut parler d'un pouvoir, bon ça c'est peut-être de l'anthropomorphisme, mais il y a une sorte de, quand même, de pouvoir de séduction qui est à l'œuvre chez la plante à fleurs. Il y a un pouvoir de séduction, il y a même des orchidées où en fait la fleur va fabriquer des hormones sexuelles qui attirent le mâle, par exemple. Ouais. Donc là, il y a vraiment une séduction qui utilise tous les atouts qui sont utilisés au sein des insectes entre eux, quoi. Mais c'est de la séduction pour la survie. Hein. C'est de la séduction pour la survie, pour l'efficacité de la pollinisation, etc. Ouais. Est-ce que au cours de l'histoire, évidemment, la Terre a connu de grandes extinctions de masse? Alors, la plupart antérieures, d'ailleurs, à l'apparition des fleurs, hein, si on en juge par les datations. Mais quand même, il y a eu celle du Crétacé, 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures. Est-ce qu'on sait si les fleurs ont beaucoup souffert de cette extinction de masse? Les fleurs ont souffert comme les autres. Hein. Elles ont souffert aussi de cette extinction de masse. Mais de par la grande diversité, elles ont réussi à se réadapter aux nouvelles conditions. Et aujourd'hui, on retrouve cet immense nombre d'espèces de plantes à fleurs. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, d'ailleurs, dans l'histoire de l'évolution. C'est la diversité, c'est ça qui permet finalement aussi, quand on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, si on peut dire les choses aussi grossièrement, c'est de pouvoir résister et d'évoluer. Ce qu'on voit, c'est que sur Terre aujourd'hui, dans tous les différents espaces, on trouve des plantes à fleurs. Enfin, même si les conifères, par exemple, sont très heureux dans certaines régions du globe, toutes les niches écologiques ont été conquises par les plantes à fleurs. Donc elles ont cette grande capacité d'adaptation et le brassage génétique qui est dû à la fécondation par les insectes, il contribue à leur conférer cette diversité. Ouais. François Parcy, les mystères de l'olfaction, alors est-ce que là aussi, est-ce qu'ils ont été bien percés par les scientifiques? Parce que c'est quelque chose aussi qui donne un attrait, une séduction très importante, évidemment, à la fleur. Tout comment à fait, on étudie cette question de l'olfaction? Alors, ça, c'est pas un sujet que je connais tellement, mais on sait qu'il y aura, chez des espèces apparentées, certaines qui vont utiliser les parfums pour être reconnues, et d'autres qui vont pas utiliser le parfum. Typiquement, il y a des espèces de pétunia, où les espèces qui vont être fécondées par des insectes diurnes vont avoir des très belles couleurs, et puis les espèces nocturnes vont au contraire attirer au parfum, puisque ça permet d'attirer à longue distance, même quand il fait nuit, et d'être reconnu dans toutes les conditions. Ouais. Alors vous parlez d'un modèle qui fait intervenir trois gènes bâtisseurs de fleurs, les gènes A, B et C. Alors bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de façon simple et claire? Ça, c'est la grande recette qui a été découverte à la fin fin des années 90 qui consiste à comprendre comment se forment les différents organes de la fleur. Ouais. Donc je vous l'ai dit, une fleur, c'est de l'extérieur vers l'intérieur des sépales, des pétales, les étamines et le pistil. Et bien aujourd'hui, on a compris que c'est la combinaison de ces activités A, B et C qui va donner les différents organes. Par exemple, à l'extérieur, dans la couronne externe de sépales, on n'a que l'activité A. Dans la deuxième couronne, on a l'activité A plus l'activité B. Et lorsqu'on les combine, ça va donner des pétales. Et etc. Quand on rentre vers les couronnes intérieures, B plus C donne des étamines et C tout seul va donner les carpelles. Mmh. Et donc ça, ça a été très bien validé, c'est vrai chez énormément d'espèces, et c'est une sorte de recette universelle pour aller fabriquer les organes de la fleur. Bon, ça c'est les secrets de la génétique alors finalement. Ah oui, c'est vraiment une découverte qui a été basée sur la génétique. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on se base sur ces découvertes qui ont été faites essentiellement chez Arabidopsis, mais également chez la gueule de loup à l'origine. Et on se base sur ces découvertes pour aller comprendre des plantes où la génétique est difficilement applicable. Mmh. Par exemple, si on regarde un lys ou une tulipe, il n'y a pas de sépales chez le lys ou la tulipe, il y a directement des pétales. Il y a deux couronnes de pétales, c'est ce qu'on appelle les tépales. Et on s'est rendu compte qu'en fait chez ces plantes, la raison pour laquelle il y avait deux couronnes de pétales, c'est parce que l'activité B, au lieu d'être restreinte à la deuxième couronne, elle avait envahi la première couronne. Mmh. Donc on a A plus B dans la première couronne, pétale, et dans la deuxième couronne, pétale. Et tépale, c'est ça, c'est ce alors on les appelle, en fait ce sont des tépales, le nom générique c'est tépale, mais ils ressemblent à des pétales. Ouais. Et alors le rôle de l'architecture justement chez les fleurs, ça vous intéresse tout particulièrement François Parcy, comment il faut l'entendre alors ce terme d'architecture quand on s'intéresse à ce sujet? Effectivement, alors dans le livre j'ai essayé de ne pas utiliser les vrais noms des gènes et donner des images un petit peu avec le gardien de la tige qui évite que la tige se convertisse en fleur ou l'architecte floral. Alors l'architecte floral c'est voilà, ma protéine favorite, celle qu'on étudie dans mon équipe à Grenoble. Ouais. Et en fait on l'appelle architecte parce que à la fois c'est lui qui décide de là où va se former la fleur sur la tige, l'endroit où elle va se former, mais également il décide du plan d'organisation. C'est lui qui dit un peu voilà, ça c'est la première couronne, ça doit être des sépales, ça c'est la deuxième couronne, ça doit être des pétales. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'architecte floral. Ouais. Alors donc ça c'est vraiment le cœur de votre travail aussi. Ça c'est le cœur de mon travail. Ouais. On essaie de savoir à la fois comment il fonctionne, comment il arrive à décider de l'emplacement des différentes couronnes par exemple, et ça c'est un sujet qu'on étudie aujourd'hui dans mon équipe, mais aussi on essaie de comprendre d'où il vient, comment il est apparu dans l'évolution et comment ces fonctions ont évolué. Et on s'est rendu compte qu'en fait, même si c'était de l'architecte floral, on s'est rendu compte qu'il existait dans certaines algues, il existait chez les mousses, chez les fougères et chez les gymnospermes. Ouais. Mais ça, c'est justement les principes architecturaux archaïques de la fleur qui sont présents Alors, tout à fait. Une chose qu'on a découvert chez certaines gymnospermes, c'est qu'en fait, la cascade moléculaire qui était responsable de la création de la fleur, elle existait déjà de façon minimaliste et elle avait été détournée pour fabriquer la fleur. François Parcy, puisqu'on l'a bien compris, hein, c'est un travail d'équipe dans le monde entier. Hein. On rappelle qu'il y a encore tous ces portraits de chercheurs qui sont là présents dans votre livre. Quelle est finalement la question à laquelle aimeraient répondre les biologistes qui s'intéressent aux fleurs aujourd'hui, tous ces directeurs de recherche comme vous? Ce serait quoi finalement? Il reste beaucoup de questions à répondre, mais je vais en citer une parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Aujourd'hui, on a une capacité à aller séquencer les génomes, c'est-à-dire qu'on connaît la séquence des chromosomes, mais on n'est pas encore capable de lire exactement dans les chromosomes à quoi va ressembler la fleur. Donc on aimerait bien directement être capable d'interpréter cette séquence du génome en une forme, couleur, parfum, etc. Ça s'appelle L'histoire secrète des fleurs et ce livre paraît chez Humaine Science. Merci beaucoup, vous en êtes l'auteur François Parcy. Merci d'être passé par la tête au carré. Merci beaucoup. La science grand format en partenariat avec France 5. Bonjour Perrine Poubeau. Bonjour Mathieu. Ce soir dans Science grand format Perrine, 20h50, nous partons pour l'Égypte dans un documentaire intitulé Les heures sombres de l'Égypte antique. C'est une enquête archéologique sur le règne de Pépi II qui s'est terminé dans le chaos. Oui Mathieu, son règne correspond à la fin de l'ancien empire qui est l'âge d'or de l'Égypte. C'est le temps de la construction des grandes pyramides comme celle de Khéops par exemple. Et pourtant il y a 4200 ans, les pharaons qui régnaient en maître ont perdu le contrôle. Et après le règne de ce Pépi II, l'empire s'est brusquement effondré. Alors les raisons exactes de cet effondrement sont longtemps restées mystérieuses d'ailleurs. Oui, le règne de Pépi II a été particulièrement long, 60 ans au moins, et la fin et la suite de ce règne auraient été marquées par la famine, la division et l'instabilité. C'est ce que raconte en tous les cas le papyrus du poète Hippou Our. Un peu à l'image du récit des 10 plaies d'Égypte, de l'Ancien Testament, ce texte décrit un pays à feu et à sang, ravagé par la famine et les catastrophes naturelles. Ce papyrus serait une description de la fin de l'Ancien Empire, un peu après le règne de Pépi II. Alors s'engage sur le terrain le travail de différentes équipes d'archéologues dans plusieurs sépultures, et leurs conclusions vont venir confirmer la fiabilité de ce papyrus. Les archéologues justement découvrent les tombeaux de fonctionnaires et de gouverneurs de ce pharaon Pépi II, des tombeaux absolument grandioses, conçus et décoré par les meilleurs artisans de l'époque. Il semblerait donc qu'à la fin de son règne, ceux qui avaient vraiment le pouvoir étaient en réalité ses fonctionnaires et ses gouverneurs locaux. On va écouter, Perrine, un extrait de ce documentaire et la voix de Mohamed Megaed qui travaille sur la sépulture d'un membre du gouvernement de Pépi II du nom de Setsu. Au début de l'Ancien Empire, un homme comme Setsu aurait été enterré dans un petit tombeau en adobe, pas dans une sépulture si somptueuse. Même les hauts dignitaires n'étaient pas en mesure de décorer ainsi leurs chambres funéraires. Cette découverte révèle que le pouvoir au sein de la cour du roi avait déjà changé de main. À la fin de l'Empire, le pays s'était tellement étendu que le roi avait besoin d'hommes pour le contrôler, notamment de collecteurs d'impôts. Il a donc confié une partie de son pouvoir à des fonctionnaires qui, grâce à leurs nouvelles prérogatives, ont pu se faire construire des tombeaux opulents. Et en parallèle, Perrine, les découvertes de plusieurs géologues complètent le portrait de l'Égypte il y a 4000 ans. Leurs recherches révèlent qu'une terrible sécheresse a frappé le pays. Oui, la fin du règne de Pépi II correspond à une période où la savane qui recouvrait l'Égypte s'est transformée en désert et où le Nil s'est asséché. Donc pendant 20 ans environ, les champs n'étaient plus irrigués par les crues du fleuve et la famine et la guerre civile ont rapidement gagné tout le royaume. Voilà, ces catastrophes conjuguées au trop long règne de Pépi II. Il est mort très vieux hein, et à la montée en puissance des gouverneurs ont eu raison donc de l'unité de l'Égypte et de cet âge d'or de 700 ans. C'est donc la chute de l'Ancien Empire et c'est ce qu'on verra donc dans ce documentaire Les Heures Sombres de l'Égypte Antique ce soir dans Science Grand Format. C'est à 20h50 sur France 5. Merci beaucoup Perrine Poubeau. Merci Mathieu.